Cette semaine, Monteverdi et les vêpres. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le grand jour aujourd'hui, les vêpres mariales de Monteverdi. Je vous en propose tout à l'heure une vision absolument intégrale et splendide. Alors, nous étions à la Porte de l'Orient lundi, mardi. Nous écoutions les voix d'une foi, la foi de Monteverdi et la foi de son époque en même temps. Nous étions sur les pas d'Orphée hier et demain, nous évoquerons d'autres chants à Marie. Mais aujourd'hui, donc, vêpres à la Vierge, signé Claudio Monteverdi. Ah! Que vient faire ici le duo Séraphim, extrait des Vêpres de la Vierge de Monteverdi ? Oui, la question ne se pose pas pour ce que nous venons d'entendre dans la version de Joseph Cornwell avec Charles Daniel et Peter Harvey également, et les Gabrieli Consort and Players, tous sous la direction de Paul McCreech. La question ne se pose pas. Bien sûr que c'est un extrait de ces Vêpres de la Vierge. Tout à l'heure, nous entendrons une autre version que celle de McCreech et une autre vision de ce duo Séraphim. Mais que fait ici, au cœur des Vêpres de la Vierge, ce duo Séraphim ? Il n'appartient pas traditionnellement aux fêtes mariales. Alors, qu'en est-il ? Tenez, je vous propose un autre duo Séraphim, non pas d'un compositeur, mais d'une compositrice. Vous allez entendre la voix de Maria Christina Kier, le concerto Suave, dirigé par Jean-Marc M. du clavecin, et qui dirige ce duo Séraphim de Caterina Assandra. Caterina Assandra, 18 ans lorsqu'elle compose ce que nous allons entendre, autrement dit, quelques mois juste avant les Vêpres de la Vierge de Monteverdi. Thank you. Elle était de Pavie, Caterina à Sandra. Duo Séraphim par Maria-Christina Kier et le Concerto Suave dirigé par Jean-Marc Hems. Un disque qui vient de sortir dans la collection Ambronay et je crois que ce n'est pas besoin d'en dire plus, vous l'écoutiez. Une pure merveille. Venise, retour à Venise bien sûr, puisque c'est pour Venise en 1610 que Claudio Monteverdi compose ses Vêpres de la Vierge. Venise, le centre du monde, la culture du monde, Venise, lieu de la contre-réforme. Or, dans la contre-réforme, le Concile de Trente est fini depuis une cinquantaine d'années, mais les idées de la contre-réforme mettent du temps à s'installer. Elle s'installe avec au cœur de ses idées le culte marial, justement. La Vierge, figure centrale de la reconquête catholique. Alors, nous sommes pour Saint-Marc de Venise, lorsque Monteverdi compose ses Vêpres de la Vierge. Est-ce si sûr, d'ailleurs? On ne sait pas très bien, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et tenez, en fait, il propose au pape un recueil avec deux partitions. La première partition, c'est une messe, dans un style ancien, sur un motet de Nicolas Gombert. Ce motet s'appelle « In illo tempore ». Le voici, il a été publié à Venise en 1539. Thank you. le motet « In illo tempore ». En ce temps-là, Nicolas Gombert, en 1539, était publié à Venise avec ce motet « Henry's Eight ». C'est le chœur que vous entendiez, dirigé par Jonathan Brown, ici. Alors, je le disais tout à l'heure, le rapport avec Claudio Monteverdi est tout simple. C'est que Monteverdi, dans sa messe, la première des deux messes qu'il propose au pape Paul V, elle est dans le style ancien, sur un motet de Nicolas Gombert, celui que nous venons d'entendre. Et c'est ce qui précède l'œuvre monumentale, donc, des Vêpres de la Vierge. Ces Vêpres de la Vierge sont quand même assez incroyable. C'est une œuvre qui a une importance, est-il besoin de le rappeler, aussi grande dans le monde musical que la messe en si ou la missa solemnis, hein, Bach, Beethoven, mais auparavant Monteverdi. Et qu'y a-t-il dans cette messe-là? Une messe à six voix dédiée à la très sainte Vierge dans le style ancien de Palestrina. Justement, le voici qui s'approche, Palestrina. Giovanni Pier Luigi da Palestrina, Ave Maris Stella. Et oui, évidemment, il s'agissait de mettre en parallèle Monteverdi et ses vêpres à la Vierge avec cette Ave Maris, cette prière à la Vierge, qui date de 1589. Le Cantus Köln, le Concerto Palatino, tous sous la direction de Konrad Junghennel. Pour évoquer donc le premier moment dans ces vêpres à la Vierge, c'est-à-dire tout ce que Monteverdi doit à Palestrina, tout ce qui a à voir avec le style franco-flamand, si vous voulez, de l'époque. Et puis, en même temps, Monteverdi, c'est ça qui est passionnant, il y met des vêpres à chanter à plusieurs voix avec quelques chants sacrés, œuvres propres aux chapelles et aux chambres des princes, comme c'est indiqué. Et là, les pratiques musicales sont franchement différentes. Pour chaque verset, il y a un traitement théâtral, un traitement libre aussi. Le Nigrasum, le Pulcraes, le duo Séraphim. Il s'agit en fait de réunir dans le même recueil pour Monteverdi en 1610, il y a précisément 400 ans, deux œuvres monumentales, mais d'exécution franchement différente. Finalement, on a souvent cherché à expliquer cette présentation par la dédicace du recueil, je le disais tout à l'heure, adressée au pape Paul V. Mais disons que lorsque Monteverdi mélange les deux œuvres, les deux styles, ça pose le problème du style. Monteverdi aurait mis en avant une messe composée dans le style ancien pour mieux faire admettre ses audaces modernes du style concertato, des vêpres justement. Dixit Dominus aussi voir, je crois, dans cette publication composite, stylistiquement, une sorte de manifeste. On le sait, depuis des années, Monteverdi est la cible des attaques d'Artusi. Monteverdi aurait voulu ainsi faire reconnaître sa maîtrise de l'un et de l'autre style. Le Dixit Dominus des Vêpres de la Vierge de Monteverdi. Oui, je vous le promets, dans quelques instants, vous entendrez l'intégralité, mais peut-être pas cette version récente, signée Sigiswald Kuijken avec sa petite bande, version des Vêpres de la Vierge pour laquelle, il y a quelques années, Sigiswald Kuijken a demandé à des luthiers de refaire à l'identique les instruments que nous entendons, enfin, que l'on peut entendre dans cette intégrale. Quelle version choisir? Il y en a des dizaines, il y en a des sublimes, que ce soit celle dirigée par Jordi Savall ou bien Gabriel Garrido, peut-être extérieure. J'ai choisi une version franchement italienne. J'ai choisi d'aller vous faire entendre l'intégralité de ces vêpres, non pas dans la version qu'a donnée John Elliott Gardiner, par exemple, à Saint-Marc de Venise en 1989, il en existe un DVD, mais dans la version enregistrée par le Concerto Italiano, dirigé par Rinaldo Alessandrini. Ils l'ont enregistré en 2004 et vous allez entendre parmi les solistes Roberta Invernizzi, Sara Mingardo, Vincenzo Di Donato, Pietro Spagnoli, Furio Zanassi. Je ne les cite pas tous, y compris Antonio Abete ou Daniele Karnovic par exemple. Et donc, les musiciens de Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, pour ce vaste monument avec lequel je vous laisse, les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, il y a tout juste 400 ans. Deus in adiutorium meum intende. Oh. Thank you. Thank you. Cool. Oh, c'était les Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi, qui se termine par un des deux Magnificat. Il y a deux Magnificat. Nous écoutions ici l'un de ces deux, le premier exactement. Vous entendiez le Concerto Italiano, vous écoutiez aussi non seulement Rinaldo et Alessandrini, qui dirigeaient l'ensemble des musiciens et des choristes, avec, s'il vous plaît, au cornet Doron Cervin, par exemple. Il y avait aussi au théor Bugo di Giovanni, à l'orgue Ignazio Schifani. Mais parmi les solistes, Roberta Invernizzi, Monica Piccinini, Sara Mingardo, il y avait Vincenzo di Donato, Pietro Spagnoli, Furio Zanassi. Autrement dit, du beau monde pour cette version que j'ai choisi finalement de vous faire entendre aujourd'hui intégralement. Claudio Monteverdi, Les Vêpres de la Vierge. L'émission se referme. Elle était due pour la réalisation à José Bernès, Nicolas Lafitte et Céline Parfeneuf.